la famille. Pour elle tu pleures comme tu brilles. Je leur donnerai bien ma vie, car c'est elle que j'aime et que j'aimerai même dans la peine. Faut-il attendre qu'il soit trop tard pour comprendre combien on tient ces personnes? Faut-il attendre qu'il soit trop tard pour comprendre que la mort les consomme, les larmes aux yeux souvent? Après tout on est des hommes, sentiments perdus, enterrés dans une tombe. Avec la personne qu'on aime, on voudrait quitter ce monde. La famille t'entoure et sur ton parcours t'aide partout. Et quel coup, quand l'un devient manqué, on pense souvent plus au flingue qu'au temps pour effacer ces malheurs liés à des décès prématurés. On dit souvent qu'on a besoin du cœur et du cerveau pour vivre. C'est grâce à la famille que le cœur vibre et que notre cerveau reste libre et ivre de ces gens qu'on aime et sans qui on ne pourrait vivre. Pourquoi suis-je triste? Un malheur est si vite arrivé. N'importe où que tu vives, ne crois pas que t'es abrité. Certaines peuvent pas survivre sans drogue ni leur argent. Moi je dirais que c'est plutôt sans la famille et les gens que j'aime. Tout simplement, le plus important, sentimentalement. La famille, pour elle tu pleures comme tu brilles. Je leur donnerai bien ma vie, car c'est elle que j'aime et que j'aimerai même dans la peine. La famille, pour elle tu pleures comme tu brilles. Je leur donnerai bien ma vie, car c'est elle que j'aime et que j'aimerai même dans la peine. La famille se redonne de l'espoir, la famille s'aide à sortir du noir. C'est ce qui m'aide plus cher, alors touche pas ou je t'offre un aller simple pour l'enfer, mon cher. Ma famille c'est tout ce que j'ai, c'est ce qui m'a appris à aimer, m'a appris à respecter. C'est avec le respect que j'ai appris à rapper. Elle m'a dit de jamais baisser les bras, toujours mener son combat. C'est avec une feuille et un stylo que je combat en bas. C'est notre troisième doigt qu'on lève contre l'état. C'est pas la famille qui m'a appris à faire ça. J'ai juste regardé autour de moi et ma foi, je me suis dit faut que ça change ça. Pourquoi tout le monde n'a pas une famille comme moi? Pourquoi tout le monde n'a pas une enfance comme moi? Et pourquoi eux le succès ne réussit pas? C'est parce qu'il n'y a personne pour les aider, pas de famille pour les conseiller. C'est pourquoi je tiens autant à la mienne et que ce morceau leur est dédié. La famille, pour elle tu pleures comme tu brilles. Je leur donnerai bien ma vie, car c'est elle que j'aime et que j'aimerai même dans la peine. La famille, pour elle tu pleures comme tu brilles. Je leur donnerai bien ma vie, car c'est elle que j'aime et que j'aimerai même dans la peine. C'est pas des paroles en l'air ni du rap de merde. Je parle sincère, en ce moment j'ai mal comme un cancer. Dis-moi quand c'est que je pourrais vivre en paix avec les gens qui m'entourent. J'y repense sans cesse, la peur d'une perte me stresse. Le cœur qui se presse, les yeux pleins de liesse. La famille ou les élus de ton cœur peuvent te causer tant de tristesse. C'est souvent quand ils sont partis qu'on se rend compte qu'on les aime. Trop tard déjà au paradis qu'on souhaiterait les voir pour consoler nos peines. Victime d'un faux pas, tu veux mourir mais faut pas. Tu dis Dieu il faut quoi? T'aimerais savoir à quoi je pense? Que tous ces gens que j'aime sont des légendes et que les légendes ne meurent jamais. Retenez ça les gens qui entendent ça et qui trouveraient les propos du diable alléchant. Aimant ma famille et mes amis, m'attachant à ces personnes grâce à qui tient ma vie. La famille, pour elle tu pleures comme tu brilles. Je leur donnerai bien ma vie, car c'est elle que j'aime et que j'aimerai même dans la peine. La famille, pour elle tu pleures comme tu brilles. Je leur donnerai bien ma vie, car c'est elle que j'aime et que j'aimerai même dans la peine.